après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Hola, me llamo Andrés. Tenemos a la técnica con nosotros. Hoy a Miguel. Le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Esto es una nueva entrega del programa sobre canción francesa de Radiopolis, La Chanson. Bueno, el mes pasado, que era mes de feria, de Semana Santa, hemos hablado de la fiesta, de la alegría y de la diversión, de la vida en grupo. Este mes vamos a escuchar canciones que hablen de todo lo contrario, es decir, de la soledad. Soledad buscada, soledad deseada, soledad sufrida, soledad inevitable a veces. Lo cierto es que cada vez más personas viven solas. Parece que un 18% de los españoles y un 34% de los franceses, tanto en el mundanal ruido de las grandes ciudades como en el desierto rural de los pueblos vacíos o abandonados. Encontrar compañía no es siempre tan fácil y perderla tampoco tan difícil. Muchas canciones francesas hablan de soledad y solo eligiendo las que tienen palabras de la familia de soledad en su título tenemos para hacer más de un programa. Vamos a empezar por la canción de Jacques Brel que se llama Seul, es decir, solo. Es una canción de 9 estrofas. Cada una empieza por un número, es decir, 2, 10, 100, 1000, 1 millón. Se está refiriendo a personas. La primera dice que somos dos, mi amor. El amor canta y ríe, pero al final del día, en las sábanas del aburrimiento, uno se encuentra solo. Ni la guerra, ni la fiesta, ni la gloria, ni el poder pueden impedir que nos sentamos solos. Y la última estrofa, somos dos envejeciendo en contra del tiempo, pero cuando vemos acercarse la muerte riéndose, uno se encuentra solo. Escuchamos Seul de Jacques Brel, una canción del año 59. On est deux, mon amour, et l'amour chante et rit, mais à la mort du jour, dans les draps de l'ennui, on se retrouve seul. On est dix à défendre les vivants par des morts, mais cloués par leurs cendres au poteau du remords. On se retrouve seul. On est cent qui dansons au bal des bons copains, mais au dernier lampion, mais au premier chagrin, on se retrouve seul. On est mille contre mille à se croire les plus forts, mais alors imbécile, où ça fait 2000 morts, on se retrouve seul. On est millions à rire du million qui est en face, mais 2 millions de rires n'empêchent que dans la cœur. On se retrouve seul. On est mille à s'asseoir au sommet de la fortune, mais dans la peur de voir tout fondre sous la lune. On se retrouve seul. On est sans que la gloire invite sans raison, mais quand meurt le hasard, quand finit la chanson, on se retrouve seul. On est 10 à coucher dans le lit de la puissance, mais devant ces armées qui s'enterrent en silence, on se retrouve seul. On est 2 à vieillir contre le temps qui cogne, mais lorsqu'on voit venir en riant la charogne, on se retrouve seul. Seguimos con una canción que se llama La Solitude, La Soledad de Barbara, que ya hemos escuchado aquí. En esta canción personifica la soledad como una mujer. Dice que la encontró delante de su puerta un día que volvía a casa, que tiene mal aspecto, que nos quiere hacer el invierno en el corazón del verano. Pero Bárbara no quiere rendirse, quiere volver a amar, a embriagarse de primavera. Cuando acabe el amor, la soledad vuelve, se cuelga de su cuello, se tumba a sus pies, la sigue por todas partes. Escuchamos La Solitude de Bárbara del año 1966. Je l'ai trouvée devant ma porte un soir que je rentrais chez moi. Partout elle me fait escorte, elle est revenue, la voilà, la renifleuse des amours mortes. Elle m'a suivi pas à pas, la garce, que le diable l'emporte. Elle est revenue, elle est là, avec sa gueule de carême, avec ses larges yeux cernés. Elle nous fait le cœur à la traîne, elle nous fait le cœur à pleurer. Elle nous fait des matins blêmes et de longues nuits désolées, la garce. Elle nous ferait même l'hiver au plein cœur de l'été. Dans ta triste robe de moire, avec tes cheveux mal peignés, telle mine du désespoir, tu n'es pas belle à regarder aller. Va t'emporter ailleurs ta triste gueule de l'ennui. Je n'ai pas le goût du malheur, va t'en voir ailleurs si j'y suis. Je veux encore rouler des hanches, je veux me saouler de printemps. Je veux m'en payer des nuits blanches, à cœur qui bat, à cœur battant. Avant que sonne le reblème, jusqu'à mon souffle dernier, je veux encore dire je t'aime et vouloir mourir d'aimer. Elle a dit, ouvre-moi ta porte, je t'avais suivi pas à pas. Je sais que tes amours sont mortes, je suis revenue, me voilà. Ils t'ont récité leurs poèmes, tes beaux messieurs, tes beaux enfants, tes faux Rimbaud, tes faux Verlaine. Eh bien, c'est fini maintenant. Depuis, elle me fait des nuits blanches, elle s'est pendue à mon cou. Elle s'est enroulée à mes hanches, elle se couche à mes genoux. Partout elle me fait escorte, elle me suit pas à pas. Elle m'attend devant ma porte, elle est revenue, elle est là. La seule. la solitude. Pasamos a una canción un poquito más alegre porque la soledad también puede serlo. Escuchamos ahora La solitude, ça n'existe pas, La soledad no existe, de Gilbert Bécaud, que os acordaréis quizás que se hacía llamar Monsieur 100 000 volts, el señor 100 000 voltios, era alguien muy enérgico. La solitude, ça n'existe pas. En mi casa solo quedo yo, pero no tengo miedo. Tengo mi silla en el bar. Siempre hay alguien, siempre hay una sociedad. Te equivocas, chica, si me crees desesperado. El universo te ha sustituido. La solitud, ça n'existe pas, de Gilbert Bécaud, del año 1969. La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. Chez moi, il n'y a plus que moi. Et pourtant, ça ne me fait pas peur. La radio, la télé sont là pour me donner le temps et l'heure. J'ai ma chaise au café du Nord. J'ai mes compagnons de flipper. Et quand il fait trop froid dehors, je vais chez les petites sœurs des cœurs. La solitude, ben ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. Peut-être encore pour quelques loups, quelques malheureux sangliers, quelques paladins, quelques fous, quelques poètes démodés. Y a toujours quelqu'un pour quelqu'un. Y a toujours une société. Non, ce n'est pas fait pour les chiens de club Méditerranée, hein. La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. Tu te trompes, petite fille, si tu me crois désespérée. La nature a horreur du vide et l'univers t'a remplacé. Si je veux, je peux m'en aller. À White, à Woodstock ou ailleurs. Et y retrouver des milliers qui chantent pour avoir moins peur. La solitude, ben ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. Otro poeta que tiene una visión positiva de la soledad es Georges Moustaki, con su intemporal éxito llamado Ma solitude. No, nunca estoy solo con mi soledad. Es casi una amiga, fiel como una sombra. Pasamos largas noches los dos frente a frente. Me ha enseñado mucho.

voilà seule, seule tout à coup. Fallait bien qu'un jour ça se décide. Je n'ai pas su combler le vide qui s'était creusé entre nous. Me voilà seul, c'était écrit. Je n'étais pas facile à vivre, bien que marié, je m'aimais libre. Alors bien sûr, elle est partie. Je me sens tout bête et tout penaud, planté au milieu de la chambre, ne sachant que faire de mes membres. Comme un enfant qui a le cœur gros. Me voilà seul, je l'ai cherché avec mon fichu caractère. Je me demande bien ce que je vais faire à présent que j'ai tout gâché. Les femmes, ça ne comprend pas. Je buvais un peu, oh, pas d'état, mais même un peu, elle aimait pas. Puis j'avais tous mes vieux copains, c'est vrai, ils sont pas toujours fins, mes copains, mais je les voyais. Elle n'y tenait pas. Me voilà seule. Dans ce décor où partout tous mes yeux se posent, il y a des souvenirs qui se proposent comme pour mieux me déchirer encore. Me voilà seul, bien fait pour moi. Le bonheur au fond, ça se mérite. Quand on l'ignore, il fait faillite. C'est alors qu'on se mord les doigts. J'ai des défauts qui n'en a pas. Changer, c'est pas toujours facile. On se conduit comme un imbécile. On se croit très fort et puis voilà. Me voilà seul, j'ai tout fait pour. Aussi je ne pense pas qu'elle revienne. Je crois que j'aurai beaucoup de peine, car j'ai le cœur crevé d'amour. J'ai des défauts qui n'en a pas. Changer, c'est pas toujours facile. Voilà seul, seul. Vamos a seguir con un artista nuevo, el primero de hoy, que no hemos tenido oportunidad de escuchar todavía, que se llama Gérard Moncé. Gérard Moncé es a la vez un artista de culto y alguien alejado de los escenarios. Lleva más de 40 años activo, pero solo en los estudios. Entre dos viajes por el ancho mundo, publica un álbum esperado con impaciencia por sus fans.

Mirar la lluvia caer, escuchar el soplo del viento, aceptar de no entender el porqué de las cosas, respirar solo, sentir los latidos de su corazón, avanzar solo hacia un futuro desconocido, sin miedo al día después, dormirse solo. Escuchamos Sol de Johnny Hallyday del año 1998. Regardez tomber la pluie, écoutez le souffle du vent, acceptez de ne pas comprendre le pourquoi des choses, devoir continuer à vivre comme avant. Seul, s'endormir seul, en gardant une place auprès de soi. Seul, respirer seul, sentir les battements de son cœur. Ne rien demander de plus, se laisser porter par le temps, oser regarder devant soi malgré tout, trouver le courage qui vous manque. Seul, priez tout seul, Les filles seules, Las chicas solas, es una de estas canciones de Linda Lemay, la más famosa de las artistas quebequeses actuales, que nos pinta con un lujo de detalles situaciones cotidianas. Les filles seules, las chicas solas, viven con amigas, hablan de los platos que cocinan, se pelean por cosas anodinas, sueñan sin embargo con viajes, pero pasarán julio en su piso. Tienen mucho humor y extrañas costumbres. Esta maldita soledad les avergüenza, pero para los hombres son difíciles. Para los niños no tendrían paciencia, pero durante horas les cuidan. Las chicas solas a menudo son las más románticas. Escuchamos Les filles seules de Linda Lemay del año también 1998. Les filles seules, elles habitent avec des copines. Les filles seules parlent des plats qu'elles se cuisinent. Elles s'engueulent à propos de choses anodines qui les agacent. Elles dorment avec des pyjamas très confortables. Elles ont l'horaire du cinéma dans un cartable, où elles se font aussi des listes interminables. Les filles seules, elles rêvent pourtant d'aventures et de voyages, de promenades sans chaussures le long d'une plage, mais dans le fond d'une cabine d'essayage. Un ventre rond sous un maillot les décourage. Elles passeront juillet dans leur deuxième étage. Elles n'ont pas toujours l'air plus jeunes que leur âge. Les filles seules, elles ont de l'humour à revendre et elles rigolent. Il y a même des jours où on se demande si elles sont folles. Elles ont de drôles d'habitudes de vieilles filles. Exagèrent un peu chaque fois qu'elles se maquillent, se trouvent de nouveaux défauts, de nouvelles rides, tellement les pauvres filles seules s'examinent. Elles les magazinent les jeudis, vendredis, samedi soir. Elles décident du prochain film qu'elles iront voir. Elles s'obstinent contre celle qui connaît l'histoire et qui la raconte. Et pendant ce temps-là, elles ne se rendent plus compte qu'elles se sentent seules jusqu'au bout des ongles et que cette maudite solitude leur fait honte. D'amour et même de mariage, mais pour les hommes elles sont plutôt difficiles. Les filles seules ont fini de croire aux idylles. L'amour qu'elles veulent court pas toujours les rues de leur ville. On peut bien les entendre dire que c'est une chance, que pour les enfants elles n'auraient pas la patience. Dès qu'elles ont un pied dans le parc, il faut les voir pendant des heures faire danser les balançoires et revenir la larme à l'œil et le cœur triste. Malgré les airs déterminés, elles se trahissent. Les filles seules sont souvent les plus romantiques. Elles habitent avec des copines, les filles seules parlent des plats qu'elles se cuisinent, elles conservent, scellés avec de la paraffine, un cœur de rêve. Nuestro siguiente artista, si no me equivoco, es nuestro artista número 100 en el año largo que llevamos con este programa. Se, también es quebequés, se llama Garou. Tiene 43 años, 6 álbumes y ya muchos premios, tanto en Quebec como en Francia. Esta canción, que da título a su primer álbum, se quedó 10 semanas en el puesto número 1. El que no ha estado solo al menos una vez en su vida, en el fondo de su cama, solo al final de la noche puede alguna vez amar, se puede tener todo, el dinero, el amor, la gloria. Siempre llega una noche en la que uno se encuentra solo, solo en el punto de partida. Escuchamos Seul de Garou del año 2000. Seul au fond de son lit, seul au bout de la nuit. Y terminaremos con uno de los más grandes, pero que tampoco hemos conseguido escuchar hasta hoy. Se llama Jacques Higelin, una leyenda viva, 75 años, 50 de carrera, uno de los más importantes exponentes del rock a la francesa. Un rock a menudo muy poético, es un artista comprometido que empezó como actor. Solo la vuelta de la primavera lo ha dejado todo para evadirme en el cielo azul. Mi alma abre sus alas a los besos de lo nuevo. La cabeza en las nubes, cojo la carretera, el espíritu libre, ajeno a todo engaño, marco mi camino errante. No estoy para nadie, sin preocupaciones, sin ataduras. Nos vemos el mes que viene, el segundo lunes de junio. Y si queréis volver a escuchar estos programas, está en la página web de Radiopolis. Escuchamos Seul de Jacques Higelin del año 2013. Tour des beaux jours et de la saison des amours, champêtre, l'alouette et l'hirondelle, le merle et les moineaux chantent à tue-tête, les traits tirés devant la glace, besoin d'espace et d'air pur, j'ai tout plaqué et pris la clé des champs pour m'évader dans le grand bleu d'azur. Sous l'étendard bleu du ciel, mon âme ouvre ses ailes au baiser du vent. Les cerisiers sont en fleurs, je sens battre mon cœur à l'appel du printemps. Seul, je prends la route chat, sans tous les doutes qui s'attaquent à ma voix. La tête dans les nuages, l'esprit libre et volage, j'entends battre mon cœur. J'adore me balader seul dans les châteaux hantés par des poètes, le corps secoué de frissons en leur chantant tout ce qui me passe par la tête. Loin de la folie des grandeurs, étranger à toute illusion, je trace mon chemin, balade un vagabond, et n'y suis pour rien ni pour personne. Sans rien qui fâche, libre et sans attache, que la vie qui s'en vient.